Préface, suite, archives françaises. Parlons de ce qui nous appartient et indiquons nos propres richesses. Rendons d'abord un éclatant hommage à cette école des bénédictins que rien ne remplacera jamais. Si je n'étais maintenant un étranger sur le sol qui m'a vu naître, si j'avais le droit de proposer quelque chose, j'oserais solliciter le rétablissement d'un ordre qui a si bien mérité des lettres. Je voudrais voir revivre la congrégation de Saint-Maur et de Saint-Vannes dans l'abbatiale de Saint-Denis, à l'ombre de l'église de Dagobert, auprès de ces tombeaux dont les cendres ont été jetées au vent au moment où l'on dispersait la poussière du trésor des Chartes. Il ne fallait aux enfants d'une liberté sans loi et conséquemment sans mère que des bibliothèques et des sépulcres vides. Des entreprises littéraires qui doivent durer des siècles demandait une société d'hommes consacrés à la solitude, dégagés des embarras matériels de l'existence, nourrissant au milieu d'eux les jeunes élèves héritiers de leur robe et de leur savoir. Ces doctes générations enchaînées au pied des autels abdiquaient à ces autels les passions du monde, renfermaient avec candeur toute leur vie dans leurs études, semblables à ces ouvriers ensevelis au fond des mines d'or qui envoient à la terre des richesses dont ils ne jouiront pas. Gloire à ces Mabillons, à ces Montfaucon, à ces Martennes, à ces Runard, à ces Bouquet, à ces Dachery, à ces Vessette, à ces Lobineau, à ces Calmet, à ces Cellier, à ces Labat, à ces Clémenceau, et à leurs révérends confrères, dont les œuvres sont encore l'intarissable fontaine où nous puisons tous tant que nous sommes, nous qui affectons de les dédaigner. Il n'y a pas de frère laid déterrant dans un obituaire le diplôme poudreux que lui indiquait Don Bouquet ou Don Mabillon, qui ne fut mille fois plus instruit que la plupart de ceux qui s'avisent aujourd'hui, comme moi, d'écrire sur l'histoire, de mesurer du haut de leur ignorance ces larges cervelles qui embrassaient tout. Ces espèces de contemporains des pères de l'Église, ces hommes du passé gothique et des vieilles abbayes qui semblaient avoir écrit eux-mêmes les chartes qu'ils déchiffraient. Où en est la collection des historiens de France? Que sont devenus tant d'autres travaux gigantesques? Qui achèvera ces monuments autour desquels on n'aperçoit plus que les restes vermoulus des échafauds où les ouvriers ont disparu? Les bénédictins n'étaient pas le seul corps savant qui s'occupa de nos antiquités. Dans les autres sociétés religieuses, ils avaient des émules et des rivaux. On doit aux jésuites la collection des hagiographes, laquelle a pris son nom de l'érudit qui l'a commencée. Le père Ardoin, mon compatriote, ignorait-il quelque chose? Esprit un peu singulier, toutefois. Le père l'abbé doit être noté pour avoir fourni le plan et la liste des auteurs de la collection de la Byzantine et pour avoir publié les 8 premiers volumes de l'édition des conciles. Le père Petot est devenu l'oracle de la chronologie. Le père Sirmond a mis au jour la notice des dignités des Gaules et les ouvrages de Sidoine Apollinaire, etc., etc. Les prêtres de l'oratoire comptent dans leur ordre Charles Cointe, auteur des Annales Ecclesiastici Francorum, continué par Gérard Dubois et par Julien Loriot, ses confrères. Nous devons à Jacques Lelong la Bibliothèque historique de la France, corrigée et augmentée par Février de Fontette, etc., etc. La magistrature parlementaire, le chancelier à sa tête, était elle-même un corps lettré qui commandait des travaux et ne dédaignait pas d'y porter la main. On le verra quand j'indiquerai les manuscrits à consulter et les entreprises arrêtées par l'action révolutionnaire. L'Académie des inscriptions travaillait de son côté aux fouilles de nos anciens monuments. Je n'ai pas compté dans ses mémoires moins de 257 articles sur tous les points litigieux de notre archéologie. On trouve les membres de cette illustre académie chargés de la direction de plusieurs grands travaux qui s'exécutaient avec le concours des Lumières de diverses sociétés sous le patronage du gouvernement. Plus heureuse que la congrégation de Saint-Maur, l'Académie des inscriptions existe encore. Elle voit encore à sa tête ses chefs vénérables, les Daciers, les Sassy, les quatre mères de Quincy, savants de race, comme les Bignons, les Valois, les Sainte-Marthe, et dont les confrères continuent d'être parmi nous les fidèles interprètes de l'Antiquité. Auprès de ces trois grands corps des bénédictins, des magistrats et des académiciens se trouvaient des hommes isolés, comme les Ducange, les Bergiers, les Leboeuf, les Bullet, les Decamps et tant d'autres. Leurs dissertations consciencieuses ont jeté la plus vive lumière sur les points obscurs de nos origines. Il est inutile d'indiquer ce qu'il faut choisir dans ces auteurs, quel puits de science que Ducange, on en est presque épouvanté. Je recommande surtout à nos historiens futurs une lecture sérieuse des conciles, des annales particulières des provinces et des coutumes de ces provinces, tant latines que gauloises. C'est là qu'avec les vies des saints pour les 8 premiers siècles de notre monarchie se trouve la véritable histoire de France. Et néanmoins, ces matériaux imprimés, dont le nombre écrase l'imagination, ne sont qu'une partie des documents à consulter. Les archives, le cabinet ou le trésor des chartes, les rôles et les registres du Parlement, les manuscrits de la bibliothèque publique et des autres bibliothèques doivent appeler l'attention. Ce n'est pas tout que de chercher les faits dans les éditions commodes. Il faut voir de ses propres yeux ce qu'on peut nommer la physionomie des temps, les diplômes que les mains de Charlemagne et celles de Saint-Louis ont touchés, la forme extérieure des chartes, le papyrus, le parchemin, l'encre, l'écriture, les sceaux, les vignettes. Il faut enfin manier les siècles et respirer leur poussière. Alors, comme un voyageur à des régions inconnues, on revient avec son journal écrit sur les lieux et un portefeuille rempli de dessins d'après nature. Dans une note substantielle, M. Champollion Figeac a donné des renseignements que je me fais un devoir de reproduire. On se proposa, il y a déjà longtemps, de réunir en une seule collection générale tous les documents authentiques relatifs à l'histoire de France. Colbert et Daxo jetèrent les premiers fondements de cette collection. L'établissement en 1759 du dépôt de législation, assemblage méthodique de toutes les lois du royaume, qui fut porté à plus de 300 000 pièces et qui doit exister encore, soit à la chancellerie, soit aux archives royales, amenait, comme une de ses dépendances naturelles, la réunion de tous les monuments historiques qu'il était possible de découvrir, et Louis XV ordonna cette réunion en 1762 sous le ministère de M. Bertin. Des arrêts du Conseil, 8 octobre 1763 et 18 janvier 1764, réglèrent l'ordre du travail, celui des dépenses, appelèrent le zèle et le concours de tous les savants vers ce grand but d'utilité publique, établirent en 1779 des conférences très propres à régulariser tant d'honorables efforts, les excitèrent de plus en plus par de nouvelles dispositions ajoutées aux précédentes en 1781 sous le ministère de M. de Maurepas. Et augmentèrent en 1783, par l'influence de M. d'Ormesson, les fonds destinés aux dépenses du cabinet. M. de Calonne proposa en 1785 de nouveaux moyens d'émulation qui furent généralement utiles, et le clergé s'y associa en 1786 en ajoutant aux fonds accordés par le roi un supplément pris sur les dépenses qu'il affectait à l'histoire de l'Église. Les États des provinces imitèrent ce généreux exemple. Les ordres de M. de Calonne procurèrent, en 1787, le concours de tous les intendants, et l'organisation du travail, sagement centralisée dans les mains de l'historiographe de France, Moreau, sous l'autorité du ministère, rendit tous ses efforts propices et fructueux. Les hommes instruits de tous les pays recherchaient l'honneur d'y concourir. Le roi honorait leur empressement et récompensait leurs plus notables services par des grâces de tout genre. La congrégation de Saint-Maur et celle de Saint-Vannes avaient échelonné leurs plus habiles ouvriers sur tous les points de la France où quelques recherches étaient à faire. Les documents arrivaient en abondance, tout semblait assurer la prochaine publication du Rimeur français, mieux conçu, plus utile que celui d'Angleterre. Un arrêt du Conseil du 10 octobre 1788 assurait de plus en plus ce précieux résultat à l'histoire de France, et l'impression du premier volume, contenant les instruments de la première race, avançait rapidement quand la Révolution survint. Un décret du 14 août 1790 ordonna le transport de tous les documents historiques à la Bibliothèque royale. Bientôt on querella et on supprima ensuite les fonds spéciaux qui leur étaient affectés. Il fallut oublier, durant 36 ans, ces vénérables archives de la monarchie française. Les travaux des Baluses, du Cange, du Puy, d'Achery, Martène et Mabillon avaient assez prouvé qu'il existait, hors du trésor des chartes de la couronne, une foule de documents d'un grand intérêt, quelquefois d'une grande importance pour l'histoire et le droit public du royaume. On comprit dès lors l'insuffisance relative des deux grands ouvrages entrepris par ordre du roi, le recueil des ordonnances et celui des historiens de France. Ce dernier, d'après son plan, sagement conçu, était purement historique, n'admettait pas les actes d'administration générale émanés de l'autorité royale, et le premier n'embrassait que les ordonnances des rois de la troisième race. Il y avait donc, malgré les capitulaires de Baluse, des lacunes immenses pour les temps écoulés depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'avènement des Capétiens. Elles ne pouvaient être comblées que par cette foule de chartes et d'actes de toutes espèces déposées, ou plus généralement oubliées dans les nombreux chartriers des villes, des églises, des monastères, des compagnies judiciaires et des grandes maisons. il s'agissait de reconstruire par leurs témoignages les annales véridiques et complètes de la France et par leur réunion en un dépôt commun de créer un centre perpétuel pour toutes les recherches ordonnées par le gouvernement ou entreprises par des particuliers. Ce plan n'effraya point par son étendue ceux qui l'avaient conçu, ni l'autorité qui devait en assurer l'accomplissement. Mais le travail sur les chartes et diplômes de l'histoire de France comprenait deux parties distinctes, quoique étroitement liées entre elles. Premièrement, la table générale des chartes imprimées. M. de Bréquigny fut chargé de la rédiger et il en publia trois volumes in folio, commençant par une lettre du pape Pie Ier à l'évêque de Vienne, qu'on croit de l'année 142 ou bien 166, et finissant avec le règne de Louis VII en 1179. L'impression du quatrième volume fut interrompue à la page 568, arrivant à l'année 1213. Quelques recueils des bonnes feuilles ont été conservés. Deuxièmement, la réunion la plus nombreuse possible, soit de chartes originales publiées ou inédites, soit de copies fidèles de toutes les chartes et autres instruments historiques et non publiés, on y joignait les inventaires d'un grand nombre de chartriers ou d'archives, plusieurs cartulaires et le dépouillement de ceux de la bibliothèque du roi, des terriers, des collections de pièces formées par des particuliers, des portefeuilles laissés par des savants dont les travaux étaient analogues à la nature du dépôt, enfin quelques ouvrages manuscrits intéressant l'histoire de France et qu'on ne négligea jamais de sauver de la dispersion. Tel est le magnifique manuscrit sur vélin contenant le procès de Jeanne d'Arc et connu sous le nom de « Manuscrit de Durfé ». Le but final de l'entreprise était arrêté dès son origine même dans la pensée de ceux qui la dirigeaient. Mais pour atteindre ce but, outre tous leurs ailes et toute leur lumière, il leur fallait le secours du temps, et ce secours leur manqua. On avait fait pressentir que la collection générale de ces diplômes pourrait un jour être publiée en entier. Le roi en avait donné l'espérance au monde savant en 1782, et quelques années après le premier volume de la collection des chartes et les deux volumes des lettres du pape Innocent III, le plus habile jurisconsulte de son siècle, et qui n'eut pas moins d'influence sur les affaires de la France que sur celles des autres États de la chrétienté, était déjà sous presse. Le premier par les soins de M. de Bréquigny, et les deux autres par ceux de M. Dutheil, qui en avait recueilli à Rome tous les matériaux. Le dépôt lui-même prenait une consistance qui accroissait son utilité. Il devenait le centre de ces grands travaux historiques qui seront un éternel honneur pour les lettres françaises et de précieux modèles pour tous les peuples jaloux de leur propre renommée. On y venait puiser à la fois pour le recueil des ordonnances, le recueil des historiens de France, l'art de vérifier les dates et la nouvelle collection des conciles. Époque à jamais mémorable de notre histoire littéraire où, sous la même protection, et par le seul effet de la munificence royale, les presses françaises produisaient à la fois ces quatre grandes collections dont le mérite égalait l'étendue, et en même temps la Gallia Christiana, la collection des chartes, les lettres historiques des papes, la table chronologique des chartes imprimées, l'histoire littéraire de la France et les histoires particulières des provinces par les bénédictins, le glossaire français de Sainte-Palais et Mouchet, le froissart complet de M. Dacier, les notices et extraits des manuscrits et les mémoires de l'Académie des Belles-Lettres qui ont fondé et propagé dans le monde savant les plus solides principes de l'érudition classique. Ces prospérités littéraires étaient dans tout leur éclat en 1789 et en 1794 il ne restait que le douloureux souvenir de tant de glorieuses entreprises. M. Champollion parle de l'interruption de ses travaux, mais il ne dit pas quelle en fut la cause immédiate, je le vais dire. Le 19 juin 1792, Condorcet monta à la tribune de l'Assemblée nationale et prononça ce discours. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ce jour mémorable où l'Assemblée constituante, en détruisant la noblesse, a mis la dernière main à l'édifice de l'égalité politique. Attentifs à imiter un si bel exemple, vous l'avez poursuivi jusque dans les dépôts qui servent de refuge à son incorrigible vanité. C'est aujourd'hui que dans la capitale, la raison brûle au pied de la statue de Louis XIV ces immenses volumes qui attestaient la vanité de cette caste. D'autres vestiges en subsistent encore dans les bibliothèques publiques, dans les chambres des comptes, dans les chapitres à preuve et dans les maisons des généalogistes. Il faut envelopper ces dépôts dans une destruction commune. Vous ne ferez point garder aux dépens de la nation ce ridicule espoir qui semble menacer l'égalité. Il s'agit de combattre la plus ridicule mais la plus incurable de toutes les passions. En ce moment même, elle médite encore le projet de deux chambres, ou d'une distinction de grands propriétaires si favorables à ces hommes qui ne cachent plus combien l'égalité pèse à leur nullité personnelle. Je propose en conséquence de décréter que tous les départements sont autorisés à brûler les titres qui se trouvent dans les divers dépôts. L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, adopte à l'unanimité le projet de Condorcet, qui venait de dire, dans les dernières phrases de son discours, tout ce qu'on répète aujourd'hui, nous en sommes à la parodie. Le 22 février 1793, il fut ordonné de « brûler sur la place des Pics 347 volumes et 39 boîtes ». Condorcet, malgré tous ses soins, ne se tint pas si fort assuré de l'égalité qu'il ne s'en précautionna d'une bonne dose dans le poison qu'il portait habituellement sur lui. En 1793, le ministre Roland écrivit au conservateur de la bibliothèque pour leur enjoindre de livrer les manuscrits. Ils répondirent qu'ils étaient prêts à obéir, mais ils prirent la liberté de faire observer humblement qu'il fallait aussi détruire l'art de vérifier les dates et le « dictionnaire de Moreri », comme empoisonné d'un grand nombre d'articles pareils à ceux dont on voulait, avec tant de raison, purger la terre. Plus tard, le comité de salut public décréta que les armes de France seraient enlevées de dessus les livres de la bibliothèque. On passa un marché avec un vandale pour cette entreprise qui devait coûter 1 530 000 francs. L'écu de France était taillé à l'aide d'un emporte-pièce et remplacé par un morceau de maroquin. Quand les armes se trouvaient appliquées sur une feuille du volume, on coupait cette feuille. Ne pouvait-on pas aujourd'hui reprendre cette belle opération? Le cabinet des médailles fut dénoncé. Les médailles d'or et d'argent devaient être portées à la monnaie pour y être fondues. L'abbé Barthélemy s'adressa à Aumont, ami de Danton, qui fit casser le décret. Danton ne faisait fondre que les hommes. Un comédien ambulant, ensuite garde-magasin, sollicita la place de conservateur des manuscrits. Interrogé s'il pourrait les lire, il répondit « Sans doute, j'en ai fait ». De précieux manuscrits furent vendus à la livre aux épiciers. D'autres, envoyés à Metz, servirent à faire des gargousses. On chargea nos canons avec notre vieille gloire, tous les coups portèrent, et elle fit éclater notre gloire nouvelle. La République aristocratique du Directoire procéda d'une autre manière que la République démocratique de la Convention. Elle ordonna de corriger dans Racine, Bossuet et Massillon tout ce qui sentait la religion et la royauté. Des hommes de mérite se consacrèrent à ces élucubrations philosophiques. Le travail sur Racine fut achevé, je ne sais par qui. Il se peut que nous n'ayons pas aujourd'hui la stupide fureur d'un sage de la Convention, ni la naïve animosité d'un citoyen du Directoire, mais aimons-nous mieux ce qui fut. Irions-nous même jusqu'à prendre la peine de corriger ce pauvre Racine, qui aurait pu faire quelque chose si Boileau ne lui eût gâté le goût et s'il fût né de notre temps? Il avait des dispositions. Et pourtant, puisque nous ne sommes plus touchés que des seuls faits, que nous devrions reconnaître que le passé est un fait que rien ne peut détruire, tandis que l'avenir à nous si cher n'existe pas. Il est pour un peuple des millions de millions d'avenirs possibles. De tous ces avenirs, un seul sera et peut-être le moins prévu. Si le passé n'est rien, qu'est-ce que l'avenir, sinon une ombre au bord du léthé, qui n'apparaîtra peut-être jamais dans ce monde? Nous vivons entre un néant et une chimère. De l'édition commencée des catalogues des chartes et de l'impression de ces chartes, épîtres et documents, il n'est échappé, comme on vient de le lire dans la notice de M. Champollion, que quelques exemplaires. Le reste a été mis au pilon. Les volumes imprimés publiés par Bréquigny et de la Porte du Teil, Diplomata, Cartae, Epistolae et Alia Documenta ad Rex Francica Spectantia, sont précédés de prolégomènes où l'histoire de l'entreprise est racontée et où l'on trouve ce qu'il est nécessaire de savoir sur les documents contenus dans ces volumes. Les preuves matérielles de la fausseté d'un acte sont assez faciles à distinguer quand on a un peu étudié la calligraphie. Les bénédictins ont donné sur cela de bonnes règles, mais il y a des évidences internes d'après lesquelles les jeunes analystes se doivent aussi décider. Par exemple, il ne nous reste que 6 diplômes royaux de Clovig, et sur ces 6 diplômes, un seul est intégralement authentique. Comparez le style et la manière dont ces pièces sont souscrites. Vous lirez au bas de l'acte de la fondation du monastère de Saint-Pierre-le-Vif, à Sens, Ego Clodoveus, Indei nomine Rex Francorum, Nanu propria signaui et subscripsi. Comme si Clovig parlait latin, écrivait en latin, signait en latin, en défigurant son nom par l'orthographe latine. Après cette prétendue signature, viennent les signatures aussi incroyables de Clotilde, des quatre fils du roi, de sa fille, de l'archevêque de Reims, etc. Le diplôme authentique est une lettre dictée, adressée à Euspice et à Maximin. Clovis leur donne le lieu appelé Missy et tout ce qui est du domaine royal entre la Loire et le Loiret. Cette lettre commence ainsi, Clodoeus Francorum Rex, vir in luster, et finit par ces mots, Ita fiatut ego Clodoeus Voloi. Au-dessous, on lit seulement, Eusebius Episcopus confirmaui. Voilà le maître. Un évêque truchement traduit ses ordres. Voilà le franc, dans toute la simplicité salique, fiat ego volus. Le glossaire de Sainte-Palais et Bréquigny, continué par Mouchet, se compose de 56 volumes in-folio, dont deux seuls sont imprimés. On a sauvé de l'édition que 3 exemplaires, le reste est en manuscrit. Chaque volume contient de 4 à 500 colonnes et depuis 400 jusqu'à 800 articles. C'est un répertoire composé sur le plan du glossaire latin de Ducange et du glossaire du droit français de Delaurière. Il traduit souvent les articles du premier en y ajoutant. Le Moyen-Âge tout entier est par ordre alphabétique dans cet immense recueil. Ces rois de France, qui nous maintenaient dans une ignorance crasse afin de nous mieux opprimer. Ces rois qui auraient dû naître tous à la fois de nos jours pour apprendre à mépriser eux et leurs siècles, avaient cependant la manie de favoriser les lettres. L'idée de ces grandes collections de diplômes leur était venue de bonne heure, on ne sait trop pourquoi. Montagu, secrétaire et trésorier des chartes sous Charles V, avait commencé, ou plutôt continué, le catalogue général des documents historiques. Il nous apprend que ses prédécesseurs avaient été obligés d'abandonner leurs investigations faute d'argent pour les suivre. Henri II ordonna d'ouvrir le trésor des chartes à Jean du Tillet. Ce greffier du Parlement, homme le plus versé dans nos antiquités qui ait jamais paru, avait conçu, dans presque toutes ses parties, le vaste plan accompli sous les rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, avec l'appui du gouvernement, l'encouragement du clergé et l'éveil des grands corps lettrés de la France. Ayant à très grand labeur et dépense, dit du Tillet au roi, compulsé l'infinité des registres de votre parlement, recherché les librairies et titres de plusieurs églises, j'entreprins dresser par forme d'histoire et ordre des règnes toutes les querelles de cette troisième lignée régnante avec ses voisins, les domaines de la couronne par province, les lois et ordonnances depuis la salique, par volumes et règnes et par recueils séparés, ce qui concerne les personnes et maisons royales, et la forme ancienne du gouvernement des trois États et ordre de justice du dit royaume avec les changements y survenus. Du Tillet met à la suite de ces recueils des inventaires des chartes comme preuves et éclaircissements. Un exemple montrera son exactitude, promesse de Éléonore, Roanne d'Angleterre, de faire hommage au roi Philippe des duchés de Guyenne et comté de Poitou en juillet 1134, au trésor Layette Anglia C et sac non coté. Ces inventaires de Du Tillet sont le modèle des catalogues modernes des chartes. Après Du Tillet, Pierre Pitou et Marcard Fréher formèrent le plan d'une collection des historiens de France, plan que commença à exécuter André Duchesne, justement surnommé le père de notre histoire. Son fils François continua son ouvrage qui devait avoir 14 volumes et dont 5 sont imprimés. Colbert confia à une assemblée de savants le soin de poursuivre cette entreprise. Ces savants n'étaient rien moins que Lecointe, Ducange, Villon d'Hérouval, Adrien de Valois, Jean Gallois et Baluse. Ducange proposa une autre distribution que celle de Duchesne avec l'insertion des pièces nouvellement découvertes. L'archevêque de Reims, Charles-Maurice Le Tellier, reprit le projet sous le patronage de Louvois, son frère, et voulut charger Dom Mabillon de la direction des travaux. Le chancelier d'Axo, en 1717, forma deux sociétés de gens de lettres pour s'occuper du recueil de Duchesne. On a un plan de Ducange, des remarques de l'abbé Gallois, un mémoire de l'abbé des Tuileries, des observations de l'abbé Grand. Lesquels plans, remarques, mémoires et observations ont puissamment contribué à la confection des Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores, de Don Bouquet. Lancelot, Leboeuf, Secousse, Gilbert, Foncemagne, Sainte-Palais, conféraient de ses recherches chez M. d'Argenson, chez le chancelier de Lamoignon ou chez M. de Malesherbes, son fils. Suite de noms a compté depuis André Duchesne que nous pouvons opposer aux noms les plus illustres de l'Europe. Désirons qu'un temps vienne et que ce temps soit prochain où ces grands desseins, étouffés par la barbarie révolutionnaire, seront repris où l'on achèvera de cataloguer ces manuscrits de la bibliothèque. Je ne sais plus si je dois dire royal ou national, qui gisent misérablement inconnus. On y pourrait rencontrer non seulement des documents de l'Antiquité franque, mais des ouvrages de l'Antiquité grecque et latine. Des auteurs que nous n'avons plus ou que nous avons mutilés se voyaient encore au Xe, XIe et XIIe siècle. Un Tacite, un Tite-Live, un Ménandre, un Sophocle ont peut-être échappé au Condorcet du Moyen-Âge. Désirons qu'on améliore le sort des hommes honorables qui veillent au dépôt de la science, qui succombent sous le poids d'un travail qu'accroissent chaque jour en se multipliant et les livres et les lecteurs. Désirons qu'on augmente le nombre des élèves de l'école des Chartes, quand les Dacier ou les Van Praet, quand les autres vénérables savants qui nous restent auront passé de ces tombeaux des temps appelés bibliothèques à leurs propres tombeaux, qui déchiffrera nos annales ? La patrie des Mabillons subira-t-elle la honte d'aller chercher en Allemagne des interprètes de nos diplômes ? Faudra-t-il qu'un Champollion germanique vienne lire sur nos monuments la langue de nos pères, morte pour nous ? Désirons enfin qu'on ne s'obstine pas à agrandir le bâtiment de la bibliothèque sur le terrain où elle existe aujourd'hui et qu'on adopte le beau plan d'un habile architecte pour réunir le temple de la science au palais du Louvre. Ce sont là les derniers vœux d'un Français. Écrivain de l'histoire générale et de l'histoire critique de France avant la Révolution. Les jugements sont trop durs aujourd'hui à l'égard des écrivains qui ont travaillé à nos annales avant la Révolution. Supposons que notre histoire générale fût à composer, qu'il a fallu tirer des manuscrits ou même des documents imprimés, qu'il en fallut débrouiller la chronologie, discuter les faits, établir les règnes. Je soutiens que, malgré notre science innée et tout notre savoir acquis, nous n'en mettrions pas trois volumes debout. Combien d'entre nous pourraient déchiffrer une ligne des chartes originales ? Combien les pourraient lire, même à l'aide des alphabets, des spécimens et des facsimilés insérés dans la Re Diplomatica de Mabillon et ailleurs ? Nous sommes trop impatients d'étaler nos pensées. Nous dédaignons trop nos devanciers pour nous abaisser au modeste rôle de bouquineurs de cartulaires. Si nous lisions, nous aurions moins de temps pour écrire, et quel larcin fait à la postérité ! Quel que soit notre juste orgueil, oserais-je supplier notre supériorité de ne pas briser trop vite les béquilles sur lesquelles elles se traînent, les ailes ployées ? Quand avec des dates bien correctes, des faits bien exacts, imprimés en beau français, dans un caractère bien lisible, nous composons à notre aise des histoires nouvelles, sachons quelque gré à ces esprits obscurs aux travaux desquels il nous suffit de coudre les lambeaux de notre génie pour ébahir l'admirant univers. Duhaillon, Belforêt, Desserre et Duplex ont travaillé sur l'histoire générale de la France. Duhaillon sait beaucoup et des choses curieuses. Il a de la fougue, son indépendance nobiliaire est amusante. Dans sa dédicace à Henri IV, il dit « Je n'ai point voulu faire le flatteur ni le courtisan, mais l'historien véritable. J'ai voulu peindre les traits les plus difformes ainsi que les plus beaux et parler hardiment et librement de tout. J'ai impugné plusieurs points qui sont de la commune opinion des hommes, comme la venue de Pharamond Esgaul, l'institution de la loi salique, etc. » Belforêt est diffus, mais sa compilation des anciennes chroniques met sur la voie de plusieurs raretés. Duhaillon le critiqua dans une de ses préfaces. « Je ne suis pas de ces hardis et ignorants écrivains qui enfantent tous les jours des livres et qui en font de grosses forêts. » Allusion au nom de Belforêt. Jean de Serres était protestant. Il est infidèle dans ses citations, fautif dans sa chronologie. Son style est chargé de figures outrées et de métaphores. Ducer était savant néanmoins, Pasquier et d'Aubigné l'ont repris avec aigreur. Duplex procède avec méthode. C'est le premier historien français avec Viguet qui est coté en marge ses autorités. Avant le chef-d'œuvre d'Adrien de Valois, Duplex n'avait été surpassé dans l'histoire des deux premières races que par Fauché. Je ne parle pas de d'Aubigné, bien qu'il en valût la peine, parce qu'il s'est renfermé, ainsi que de tout, dans une période particulière. La même raison me fait omettre Jean le Laboureur, personne n'a élevé plus haut le style historique que ce dernier écrivain. Après ces quatre premiers auteurs de notre histoire générale, nous trouvons Mézeray, Varillas, Cordemois, Legendre, Daniel, Vély, Villaret et Garnier. On n'écrira jamais mieux quelques parties de notre histoire que Mézeray n'en a écrit quelques règnes. Son abrégé est supérieur à sa grande histoire, quoiqu'on n'y retrouve pas quelques-uns de ses discours débités à la manière de Corneille. Les vies des reines sont quelquefois des modèles de simplicité. Quant aux défauts de lecture reprochés à Mézeray, la plupart de ces erreurs ont été redressées par l'abbé Le Laboureur, Launoy, Diroy et le père Griffet. Mézeray avait été frondeur, rien de plus libre que ses jugements. C'est dommage que son exécuteur testamentaire ait jeté au feu son histoire de la Maltôte. Amelot de La Housset dit que Mézeray a laissé dans ses écrits une assez vive image de l'ancienne liberté. Ménage reproche à cet auteur de n'avoir pas de phrase. C'est Mézeray qui a dit « Sous la fin de la deuxième race, le royaume était tenu selon les lois des fiefs, se gouvernant comme un grand fief plutôt que comme une monarchie. Tout ce que l'on a rabâché depuis sur les temps féodaux n'est que le commentaire de cet aperçu de génie. » Louis de Cordemois publia, en l'achevant, l'histoire de France qu'avait écrite Géraud de Cordemois, son père. Cordemois était, comme Bossuet, grand cartésien. Son travail exact est le premier où l'on sente la présence de la méthode philosophique. L'abbé Legendre fit entrer dans l'histoire générale la peinture des mœurs et des coutumes. Heureuse innovation qui ouvrait une nouvelle route à l'histoire. Legendre, flatteur de Louis le Grand dans ses essais sur le règne de ce roi, juge franchement tout le reste. Varillas est fort décrié pour son romanesque. Il n'est pas cependant aussi menteur qu'on l'a dit. Versé dans la lecture des originaux, il avait même perdu la vue à cette lecture. Mais il a la plus singulière manie qu'on puisse imaginer, il transporte les actes d'un personnage à un autre quand ce personnage a des homonymes dans des siècles différents. J'en pourrais citer des exemples curieux. Après le père Daniel, l'histoire militaire de la France n'est plus à faire. Enfin, sans parler de l'abrégé chronologique trop vanté, du président Hénault et des essais historiques trop décriés de Voltaire, le long travail de Vély, de Villaret et Garnier est d'un grand prix. Ce n'étaient pas sans doute des hommes de génie que ces trois derniers écrivains, mais le génie qui en a, si ce n'est dans notre siècle, où il court les rues en sortant du maillot, comme un poussin qui brise sa coquille. Au défaut de ce premier don du ciel, qui nous était exclusivement réservé, on trouve dans les historiens que je viens de nommer une consciencieuse lecture, des pages nettement écrites, des jugements sains. Ces historiens se trompent, il est vrai, sur la physionomie des siècles, encore pas toujours. Quant aux deux premières races, il le faut avouer, Vély est quelquefois ridicule, mais il peignait à la manière de son temps. Clovig, dans nos annales antérévolutionnaires, ressemble à Louis XIV, et Louis XIV à Hugues Capet. On avait dans la tête le type d'une grave monarchie, toujours la même, marchant carrément avec trois ordres et un parlement en robe longue. De là cette monotonie de récit, cette uniformité de mœurs qui rend la lecture de notre histoire générale insipide. Les historiens étaient alors des hommes de cabinet qui n'avaient jamais vu émanier les affaires. Mais, si nous apercevons les faits sous un autre jour, ne nous figurons pas que cela tienne à la seule force de notre intelligence. Nous venons après la monarchie tombée, nous toisons à terre le colosse brisé, nous lui trouvons des proportions différentes de celles qu'il paraissait avoir lorsqu'il était debout. Placés à un autre point de la perspective, nous prenons pour un progrès de l'esprit humain le simple résultat des événements, le dérangement ou la disparition des objets. Le voyageur qui foule aux pieds les ruines de Thèbes, est-il l'Égyptien qui demeurait sous une des 100 portes de la cité de Pharaon? Ce qui nous blesse aujourd'hui surtout, en lisant notre histoire passée, c'est de ne pas nous y rencontrer. La France est devenue républicaine et plébéienne, de royale et aristocratique qu'elle était. Avec l'esprit d'égalité qui nous maîtrise, la présence exclusive de quelques nobles dans nos fastes nous irrite. Nous nous demandons si nous ne valons pas mieux que ces gens-là, si nos pères n'ont point compté dans les destinées de notre patrie. Une réflexion devrait nous calmer. Qui d'entre nous survivra à son temps? Savons-nous comment s'appelaient ces milliers de soldats qui ont gagné les grandes batailles de l'armée populaire? Ils sont tombés aux yeux de leurs camarades, morts un moment après à leur côté. Des généraux qui peut-être n'eurent aucune part au succès sont devenus les illégitimes héritiers de ces obscurs enfants de l'honneur et de la gloire. Une nation n'a qu'un nom. Les individus plébéiens ou patriciens ne sont eux-mêmes connus que par quelques-uns d'entre eux, jouets ou favoris de la fortune. Sous le rapport des libertés, une observation analogue se présente. Les historiens du XVIIe siècle ne les pouvaient pas comprendre comme nous. Ils ne manquaient ni d'impartialité, ni d'indépendance, ni de courage, mais ils n'avaient pas ces notions générales des choses que le temps et la Révolution ont développées. L'histoire fait des progrès dont sont privées quelques autres parties de l'intelligence lettrée. La langue, quand elle a atteint sa maturité, demeure en cet état où se gâte. On peut faire des vers autrement que Racine, jamais mieux. La poésie a ses bornes dans les limites de l'idiome où elle est écrite et chantée. Mais l'histoire, sans se corrompre, change de caractère avec les âges parce qu'elle se compose des faits acquis et des vérités trouvées, parce qu'elle réforme ses jugements par ses expériences, parce qu'étant le reflet des mœurs et des opinions de l'homme, elle est susceptible du perfectionnement même de l'espèce humaine. Au physique, la société avec les découvertes modernes n'est plus la société sans ses découvertes. Au moral, cette société avec les idées agrandies telles qu'elles le sont de nos jours n'est plus la société sans ses idées. Le Nil à sa source n'est que le Nil à son embouchure. En un mot, les historiens du XIXe siècle n'ont rien créé. Seulement, ils ont un monde nouveau sous les yeux, et ce monde nouveau leur sert d'échelle rectifiée pour mesurer l'ancien monde. Toute justice, ainsi rendue aux hommes de mérite qui ont traité de notre histoire générale avant la Révolution, je dirais, avec la même impartialité, qu'il ne les faut pas prendre pour guide. On ne se peut dispenser de recourir aux originaux, car ces écrivains les lisaient autrement que nous et dans un autre esprit. Ils n'y cherchaient pas les choses que nous y cherchons. Ils ne les voyaient même pas. Ils rejetaient précisément ce que nous recueillons. Ils ne choisissaient, par exemple, dans les ouvrages des pères de l'Église, que ce qui concerne le dogme et la doctrine du christianisme. Les mœurs, les usages, les idées ne leur paraissaient d'aucune importance. Une histoire nouvelle tout entière est cachée dans les écrits des pères. Ces études en indiqueront la route. Nous ne savons rien sur la civilisation grecque et romaine des 5e, 6e et 7e siècles, ni sur la barbarie des destructeurs du monde romain que par les écrivains ecclésiastiques de cette époque. À l'égard de nos propres monuments, des découvertes de même nature sont à faire. Avant la Révolution, on interrogeait les manuscrits que relativement aux prêtres, aux nobles et aux rois. Nous ne nous enquérons que de ce qui regarde les peuples et les transformations sociales. Or, ceci est resté enseveli dans les chartes. Les écrivains antérévolutionnaires de l'histoire critique de France sont si nombreux qu'il est impossible de les indiquer tous. Quelques-uns seulement doivent être signalés comme chefs d'école. L'histoire de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules est un ouvrage solide, souvent attaqué, jamais renversé, pas même par Montesquieu, qui d'ailleurs a su peu de choses sur les Francs. On vole l'abbé Dubot sans avouer le larcin, il serait plus loyal d'en convenir. Il en arrive de même à l'abbé de Gourcy. Sa petite dissertation sur l'état des personnes en France, sous la première et la seconde race, dissertation couronnée par l'Académie des inscriptions, est d'une méthode, d'une clarté et d'un savoir rare. Ce qu'on écrit aujourd'hui sur le même sujet est en partie dérobé à l'excellent travail de Gourcy. On a raison de ne pas refaire une besogne si bien faite, mais il faudrait en avertir pour laisser la louange à qui de droit. Il y a des hommes qui sont ainsi en possession de servir de moniteurs aux autres. Pagy sera l'éternel flambeau des fastes consulaires, Tillemont est le guide le plus sûr des faits et des dates pour l'histoire des empereurs, Gibbon se colle à lui. Il se fourvoie et tombe quand l'ouvrage de Tillemont finit. Saint-Marc a débrouillé le chaos des affaires italiennes du 5e au 12e siècle. On ne mentionne point son abrégé chronologique. Quand on s'occupe de cette période de l'histoire, ce serait justice cependant. D'autant mieux que l'on commet beaucoup de fautes quand on ne suit plus Saint-Marc qui lui-même a suivi Sigonius et Muratori. Les observations de l'abbé de Mably sont écrites d'un ton d'arrogance et de fatuité qui les ferait prendre pour l'ouvrage de quelque capacité du jour, si la maigreur d'y remplacer l'enflure. Sous cette superbe, on ne trouve pourtant dans Mably que des idées écourtées, une grande prétention à la force de tête, le désir de dire des choses immenses en quelques mots brefs. Il y a peu de mots, en effet, et encore moins de choses. Lisez dans cet auteur gourmé quelques passages sur la transfusion des propriétés, ils sont bons. Boulainvilliers a bien senti la nature aristocratique de l'ancienne constitution française, mais il est absurde sur la noblesse. Il n'a pas d'ailleurs assez de lecture pour que son instruction dédommage du vice de son système. De ces détails, il résulte que deux écoles historiques sont à distinguer avant l'époque de la Révolution, l'école du XVIIe et l'école du XVIIIe, l'une érudite et religieuse, l'autre critique et philosophique. Dans la première, les bénédictins rassemblaient les faits et Bossuet les proclamait à la terre. Dans la seconde, les encyclopédistes critiquaient les faits et Voltaire les livrait aux disputes du monde. L'Angleterre fondait auprès de nous son école exacte, plus dégagée que la nôtre des préjugés anti-religieux. Notre école moderne du XIXe siècle peut être appelée l'école politique. Elle est philosophique aussi, mais autrement que celle du XVIIIe siècle, parlons-en. École historique moderne de la France. L'école moderne se divise en deux systèmes principaux. Dans le premier, l'histoire doit être écrite sans réflexion. Elle doit consister dans le simple narré des événements et dans la peinture des mœurs. Elle doit présenter un tableau naïf, varié, rempli d'épisodes, laissant chaque lecteur, selon la nature de son esprit, libre de tirer les conséquences des principes et de dégager les vérités générales des vérités particulières. C'est ce qu'on appelle l'histoire descriptive par opposition à l'histoire philosophique du dernier siècle. Dans le second système, il faut raconter les faits généraux en supprimant une partie des détails, substituer l'histoire de l'espèce à celle de l'individu, rester impassible devant le vice et la vertu comme devant les catastrophes les plus tragiques. C'est l'histoire fataliste ou le fatalisme appliqué à l'histoire. Je vais vous exposer mes doutes sur ces deux systèmes. L'histoire descriptive, poussée à ses dernières limites, ne rentre-t-elle pas trop dans la nature du mémoire ? La pensée philosophique, employée avec sobriété, n'est-elle pas nécessaire pour donner à l'histoire sa gravité, pour lui faire prononcer les arrêts qui sont du ressort de son dernier et suprême tribunal ? Au degré de civilisation où nous sommes arrivés, l'histoire de l'espèce peut-elle disparaître entièrement de l'histoire de l'individu ? Les vérités éternelles, base de la société humaine, doivent-elles se perdre dans des tableaux qui ne représentent que des mœurs privées ? Il y a dans l'homme deux hommes, l'homme de son siècle, l'homme de tous les siècles. Le grand peintre doit surtout s'attacher à la ressemblance de ce dernier. Peut-être aujourd'hui mettons trop de prix à la ressemblance et pour ainsi dire à la calque de la physionomie de chaque époque. Il est possible que dans l'histoire comme dans les arts, nous représentions mieux qu'on ne le faisait jadis les costumes, les intérieurs, tout le matériel de la société. Mais une figure de Raphaël, avec des fonds négligés et de flagrants anachronismes, n'efface-t-elle pas ces perfections du second ordre ? Lorsqu'on jouait les personnages de Racine, avec les perruques à la Louis XIV. Les spectateurs n'étaient ni moins ravis, ni moins touchés. Pourquoi ? Parce qu'on voyait l'homme au lieu des hommes. Jamais Iphigénie, en Olyde, immolée, n'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée, que dans l'heureux spectacle, à nos yeux étalés, n'en a fait sous son nom verser la chamélée. Monsieur de Barante s'est élevé au-dessus de ses difficultés par la supériorité de son talent et parce qu'il n'a jamais tout à fait caché l'espèce. Mais je crains qu'il n'ait égaré ses imitateurs. Voici ce qui me semble vrai dans le système de l'histoire descriptive. L'histoire n'est point un ouvrage de philosophie, c'est un tableau. Il faut joindre à la narration la représentation de l'objet, c'est-à-dire qu'il faut à la fois dessiner et peindre. Il faut donner aux personnages le langage et les sentiments de leur temps, ne pas les regarder à travers nos propres opinions, principale cause de l'altération des faits. Si, prenant pour règle ce que nous croyons de la liberté, de l'égalité, de la religion, de tous les principes politiques, nous appliquons cette règle à l'ancien ordre de choses, nous faussons la vérité. Nous exigeons des hommes vivant dans cet ordre de choses ce dont ils n'avaient pas même l'idée. Rien n'était si mal que nous le pensons. Le prêtre, le noble, le bourgeois, le vassal avaient d'autres notions du juste et de l'injuste que les nôtres. C'était un autre monde, un monde sans doute moins rapproché des principes généraux naturels que le monde présent, mais qui ne manquait ni de grandeur ni de force, témoin ses actes et sa durée. Ne nous hâtons pas de prononcer trop dédaigneusement sur le passé. Qui sait si la société de ce moment, qui nous semble supérieure, et qui l'est en effet sur beaucoup de points, à l'ancienne société, ne paraîtra pas à nos neveux dans 2 ou 3 siècles ce que nous paraît la société 2 ou 3 siècles avant nous. Nous réjouirions-nous, dans le tombeau, d'être jugés par les générations futures avec la même rigueur que nous jugeons nos aïeux. Ce qu'il y a de bon, de sincère dans l'histoire descriptive, c'est qu'elle dit les temps tels qu'ils sont. L'autre système historique moderne, le système fataliste, a selon moi de bien plus graves inconvénients parce qu'il sépare la morale de l'action humaine. Sous ce rapport, j'aurai dans un moment l'occasion de le combattre en parlant des écrivains de talent qui l'ont adopté. Je dirai seulement ici que le système qui bannit l'individu pour ne s'occuper que de l'espèce tombe dans l'excès opposé au système de l'histoire descriptive. Annuler totalement l'individu, ne lui donner que la position d'un chiffre, lequel vient dans la série d'un nombre, c'est lui contester la valeur absolue qu'il possède, indépendamment de sa valeur relative. De même qu'un siècle influe sur un homme influe sur un siècle. Et si un homme est le représentant des idées du temps, plus souvent aussi le temps est le représentant des idées de l'homme. Le second système de l'histoire moderne a son côté vrai comme le premier. Il est certain qu'on ne peut omettre aujourd'hui l'histoire de l'espèce, qu'il y a réellement des révolutions inévitables parce qu'elles sont accomplies dans les esprits avant d'être réalisées au dehors, que l'histoire de l'humanité, de la société générale, de la civilisation universelle ne doit pas être masquée par l'histoire de l'individualité sociale, par les événements particuliers à un siècle et un pays. La perfection serait de marier les 3 systèmes, l'histoire philosophique, l'histoire particulière, l'histoire générale, d'admettre les réflexions, les tableaux, les grands résultats de la civilisation en rejetant des 3 systèmes ce qu'ils ont d'exclusif et de sophistique. Au surplus, s'il est bon d'avoir quelques principes arrêtés en prenant la plume, c'est selon moi une question oiseuse de demander comment l'histoire doit être écrite. Chaque historien l'écrit d'après son propre génie. L'un raconte bien, l'autre peint mieux, celui-ci est sentencieux, celui-là indifférent ou pathétique, incrédule ou religieux. Toute manière est bonne, pourvu qu'elle soit vraie. Réunir la gravité de l'histoire à l'intérêt du mémoire, être à la fois Thucydide et Plutarque, Tacite et Suétone, Bossuet et Froissart, et asseoir les fondements de son travail sur les principes généraux de l'école moderne, quelle merveille! Mais à qui le ciel a-t-il jamais départi cet ensemble de talents dont un seul suffirait à la gloire de plusieurs hommes? Chacun écrira donc comme il voit, comme il sent. Vous ne pouvez exiger de l'historien que la connaissance des faits, l'impartialité des jugements et le style, s'il peut.